بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 12 dans l'explication du livre de Cheikh Wasiullah Abbas حفظه الله تعالى التقليد في ضوء الكتاب والسنة والآثار السلفية. Et on est arrivé donc au chapitre 9 dans le livre. Et le chapitre s'intitule « Asbab al-ta'assub lil-madhahib wa al-sa'y li-qada'ihi », c'est-à-dire les causes du fanatisme aveugle pour les écoles de fiqh ou les madhahib et les efforts qui ont été faits pour enrayer ce fanatisme. Donc le cheikh il commence en disant ذكر العلماء عدة أسباب للتعصب المذهبي وهي ومن أهمها فيما يظهر لي أولا تولي بعض العلماء المنتسبين لبعض المذاهب المناصب في الدولة ومعلوم أن الميول والتوجهات تؤثر في الإشارة والاستشارة. Donc, il commence en disant que les ulama ont mentionné plusieurs causes pour le ta'assub, le fanatisme, envers les madahib, envers les écoles de fiqh et le fait de suivre aveuglément ou fanatiquement une de ces écoles en particulier. Et parmi ces causes-là, une des plus importantes, d'après ce qui est apparent, d'après ce qui m'est apparent, ça c'est le cheikh qui dit, il dit la presse qui m'est apparente, la plus importante, c'est le fait que certains ulama qui appartenaient à certaines de ces écoles de fiqh ou certains de ces madahib ont obtenu des positions dans le gouvernement ou dans l'État. Hein? Par exemple, ils ont obtenu des postes comme juge dans certains pays, dans certains États musulmans, des pays musulmans à l'époque, ce qui fait que ça a eu une influence sur la façon dont les musulmans se réfèrent justement à ce madhab-là en particulier. Comme par exemple, si dans un pays, les dirigeants, eux, ils ont adopté, ils ont choisi un juge ou un mufti qui suit un madhab en particulier, bien c'est clair que ça va avoir un impact sur la position que les gens vont adopter sur les différentes questions de la religion dans ce pays-là. Et aussi, comme on va le voir aussi dans certains pays, tout ce qui est imposé aux imams des mosquées et aux juges dans les tribunaux islamiques et ainsi de suite, tout ça, c'est établi par rapport à qu'est-ce que le dirigeant lui-même a chercher à établir dans le pays. Donc, le cheikh, il va donner des exemples de ça. Parce que les gens, ils sont influençables et ils penchent vers les positions qui sont plus en vue dans la société. Donc, c'est ça qu'ils suivent en général. Et le cheikh, il dit « وَذَكَرَ إِبْنُ خَلْكَانْ فِي تَرْجَمَةِ يَحْيَ بْنُ يَحْيَ الْلَيْثِي الْمَسْمُودِ المصمودي ثم إن يحيى عاد إلى الأندلس وانتهت إليه الرئاسة بها وبه انتشر مذهب مالك في تلك البلاد. Donc il mentionne dans le livre Wafayat al-A'yan Ibn Khalkan, il mentionne dans la biologie de Yahya ibn Yahya al-Laythi, un des élèves de l'imam Malik rahimahullah. Il dit qu'ensuite il est retourné en Andalousie. C'est-à-dire que Yahya ibn Yahya, rahimahullah, il est retourné en Andalousie et c'est à lui que est revenue la direction des questions religieuses dans le pays. C'est à lui qu'est revenue la direction des questions religieuses dans le pays. Et c'est pour cette raison-là que les positions du madhab de l'imam Malik se sont propagés dans ce pays-là. C'est pour ça que les gens de l'Andalousie et du nord du Maghreb sont devenus des Malikis, par la suite. À cause de ça, il dit le cheikh وَذَكَرَ ibn Hazmin قال ibn Hazm al-Andalusi, il est lui aussi de l'Andalousie, قال مذهبان انتشرا في مبدأ أمرهما في مبدأ أمرهما بالرئاسة والسلطان. مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف ويعقوب أبو يوسف يعقوب صاحب أبي حنيفة كانت القضاة من قبله كانت القضاة من قبله، فكان لا يولي قضاء البلدان من أقصى المشرق إلى أقصى إفريقيا أو إلى أقصى إفريقية إلا أصحابه والمنتمين إليه وإلى مذهبه. Donc il dit Ibn Hazm que deux madhabs se sont propagés à la base à cause de la direction et du pouvoir, hein, de l'autorité et du pouvoir. Le premier, c'est le madhab de Abu Hanifa, rahimahullah, parce que lorsque l'élève de Abu Hanifa, Abu Yusuf Yaqub, a pris la position de juge, hein, c'est lui qui choisissait tous les juges dans l'Empire islamique. Et donc, personne ne pouvait devenir juge dans les pays, excepté de l'Orient jusqu'à l'Afrique. Personne ne devenait juge, excepté s'il faisait partie des compagnons ou qu'il appartenait à son madhab. Des compagnons de Abu Yusuf ou bien qu'il était de son madhab. Et donc c'est pour cette raison-là que le madhab de Abu Hanifa s'est propagé beaucoup à cause de ça. Parce que le dirigeant a choisi un juge Hanafi pour établir son gouvernement et son jugement et ses tribunaux dans tout l'empire islamique de l'époque. Hein? Et il dit ومذهب مالك رحمه الله. Le deuxième madhab qui s'est propagé de cette façon, c'est le madhab de l'imam Malik رحمه الله في بلاد الأندلس. فإن يحيى بن يحيى كان مكينا عند السلطان مقبول القول في القضاة، فكان لا يلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره، ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه، والناس صراع إلى الدنيا فأقبلوا على ما يرون بلوغ أغراضهم، على أن يحيى ابن يحيى لم يلي قضاء قط ولا أجاب إليه، وكان ذلك زائدا في جلالته عندهم وداعيا إلى قبول رأيه لديهم. أقول ليس ببعيد أن يكون السبب في انتشار المذاهب كما ذكر، وهكذا ذكر صاحب خبيئة الأكوان أيضا مثله. Donc il dit ici que le madhab de l'imam Malik rahimahullah dans les pays de l'Andalousie, à cause de justement l'élève de l'imam Malik, rahimahullah, le grand savant Yahya ibn Yahya, il avait un respect chez le dirigeant. Il était bien placé chez le dirigeant de l'Andalousie. Et quand il parlait et quand il émettait une position, au sujet des questions qui ont rapport avec le tribunal ou le fait d'être juge, eh bien, il acceptait, le dirigeant acceptait sa position. Alors, tous les juges qui ont été établis dans cette région du monde, dans l'Andalousie, eh bien, ils pouvaient seulement obtenir cette position-là et devenir juge après avoir été consulté et choisi par Yahya ibn Yahya, rahimahullah. Et il n'indiquait justement que ses compagnons et ceux qui étaient sur son madhab. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent vers ces positions-là. Parce que la position de juge, c'est une position prestigieuse. Hein? Alors, beaucoup de gens se précipitent vers ce genre de position-là. Et s'ils savent que pour être juge dans telle région, il faut être de tel madhab, eh bien, c'est clair qu'ils vont faire beaucoup d'efforts pour l'étudier et le connaître et le maîtriser pour pouvoir justement arriver à obtenir cette position-là. Et donc, ça, c'est sûr que c'est Allah qui connaît les intentions des gens. Hein, c'est Allah qui sait qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Mais, ala kulli hal, il dit donc, lui-même, Yahya ibn Yahya n'a jamais été juge. Il n'a jamais accepté de répondre à cette invitation ou à cet appel-là. Donc, c'est ce qui a rajouté chez les gens plus de respect encore pour lui. Yani, et qui a fait en sorte que les gens ont encore plus accepté son opinion puisque yani, il se détournait de ce genre de position-là. C'est une position qui est très dangereuse. Être juge, c'est sûr que c'est prestigieux, mais en même temps, c'est une grande responsabilité. Et c'est une grande épreuve aussi. Parce que si tu es injuste, ou si tu juges contraire à la vérité, tu risques de grands châtiments. Tu risques des grandes menaces. Donc, c'est pour cette raison-là que les salafs, ils avaient peur de prendre ce genre de responsabilité-là et qu'ils s'écartaient de ces positions-là. Et le cheikh, il dit, ouais, donc il dit ensuite, et donc ça, c'est très probable que ce soit une des causes hein, dans la propagation de certaines écoles de fiqh et la raison pour laquelle certaines écoles se sont propagées plus à certains endroits qu'à d'autres. Il dit, wa nahnu nafhamu hadha bima na'ishuhu fi hadhihi al-bilad al-muqaddasa aqamaha Allah wa adamaha. أنه لما أسست على الكتاب والسنة وأحيت السنة ومحيت البدع بعد قرون متطاولة وراجع علم الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا نجد أحدا من علمائها متعصبا لمذهب من المذاهب إلا أن يكون من الوافدين هو وأجداده فانتقل إلى هذه البلاد مع مذهبه وعقيدته ولم يصطبغ بصبغة البلاد فلم يتأثر بعقيدتها أو رجلا تأثر بالعقائد والأفكار الوافدة إليه ووالله الذي لا إله إلا هو ذكر لي رجل من هذا القبيل عن ابنه الذي يدرس في إحدى جامعات المملكة والذي خاطب والده بهذه الكلمة الذي ليس على المذهب الفلاني وسمى المذهب ليس على إيمان كامل. Donc il dit le cheikh que parce que en fait une des choses qu'il faut comprendre aussi c'est que alhamdulillah parmi les ulama de l'islam, il y en a qui ont toujours défendu la vérité et qui ont toujours défendu le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna, peu importe l'époque et peu importe la région. Il y a toujours eu des ulama qui s'accrochent à la vérité et qui ne sont pas muta'assibin, qui ne sont pas fanatiquement attachés à un madhab en particulier. Et ils ont réfuté les idées de ceux qui oblige les gens à suivre aveuglément un madhab. Et parmi ces ulama-là, il y a le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il fait partie de ces ulama al-Rabbaniyin et qui ont fait beaucoup d'efforts justement pour contrer le fanatisme envers les madhahib. Et d'après les choses que j'ai lues à ce sujet-là, il y avait à Mecca quatre mihrab différents pour les différents imams des quatre madhahib autour de la Kaaba. Et à l'époque, c'est comme ça, c'était rendu très très grave. Vous savez que même aussi en Syrie, dans je pense que c'était le Masjid al-Umawiyya ou quelque chose comme ça, il y avait la même chose aussi. Et ils ne faisaient pas la prière ensemble. Les quatre madhahib, ils ne priaient pas ensemble derrière un seul imam. Chacun, il se levait à tour de rôle pour faire la prière derrière pour faire la prière derrière l'imam de leur madhab seulement. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un mihrab pour les malikiyas, un mihrab pour les hanbaliyas, un mihrab pour les shafi'iyas, un mihrab pour les malikiyas, et à tour de rôle, ils dirigeaient la prière. Et les gens de différents madhabs se mettaient derrière leur imam pour prier. À Mecca. aujourd'hui, mais avant la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avant ça, c'est oui, peut-être 200-300 ans en arrière, eh bien, il y avait, c'était comme ça. C'était comme ça. Et, yani, Allah al-Musta'an, les gens, ils ne priaient pas derrière les uns les autres. Et quand la da'wa du tawhid et de la sunna, elle est arrivée donc, à la Mecque, et que les salafis, donc les gens de la sunna, ont repris la Mecque sous leur contrôle, ils ont enrayé beaucoup de bid'a et beaucoup d'égarements. Et parmi les choses qu'ils ont éliminées, c'est ces différents maharib qu'il y avait autour de la Kaaba. Ça, c'était à l'époque des Ottomans, non? Oui, à l'époque des Ottomans. Donc ça fait pas longtemps. À la Mecque, il y avait le shérif de Mecca et de Médine. Et l'Ashraf, c'est les dirigeants maintenant qui sont en Jordanie, c'est les descendants de Ashraf qui étaient à l'époque dirigeants à la Mecque et Médine, qui étaient eux les alliés des Ottomans, mais qui se sont mis contre eux pendant la Première Guerre mondiale. À cause de ça, ils ont fait une entente avec les Anglais, puis ils ont dit, OK, on va se mettre avec vous, mais en échange, vous allez nous donner comme royaume les différents pays de l'Empire ottoman. Une fois qu'elle sera démantelée, ils ont dit, on va vous mettre chacun de vos fils vont être roi dans une différente région, on va faire un royaume arabe. Oui, il y avait beaucoup de bid'a, mais bon. Après, qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont démantelé l'Empire ottoman? C'est devenu la Turquie et les pays arabes qui faisaient partie de l'Empire ottoman, comme l'Égypte et aussi la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Irak, hein, toute cette région-là là, sont devenues indépendantes. Et à la base, l'entente qui avait été faite avec les Ashraf de Mecca et de Médine, puis les Anglais, c'est que les fils du shérif devaient être les rois dans les différentes régions. En Irak, ils ont placé un. En Jordanie, ils en ont placé un autre. Au Liban, en Syrie. Mais le problème, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il y a eu des révoltes et des coups d'État dans ces différents pays-là. Les Mamelouks, ça c'était depuis longtemps avant. Les Mamelouks, à la base, c'était des esclaves. C'est pour ça qu'on les appelait des Mamelouks. Les enfants qu'ils prenaient, eh bien, ils les entraînaient et ils les éduquaient. Ben c'est parce en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que ces enfants-là, ils étaient tellement bien éduqués, tellement bien entraînés, qu'ils devenaient des élites. Ils devenaient des élites de la société. Puis à un certain moment donné, ils sont devenus même eux. C'est eux qui sont devenus même les maîtres. Et ils sont devenus. C'est eux qui ont pris le pouvoir par la suite. Puis à la base, c'était des Européens, c'est des Albanais, des gens comme ça. Le roi Farouk, son origine, c'est d'un Albanais. À la kulli hal, yani, tout ça, c'est des trucs historiques. Donc, c'est ça. Ça a été donc à cause de cette da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a justement enrayé ce fanatisme qui divisait les musulmans, qui les empêchait même de prier ensemble et de faire une seule jama'a pour la prière. Aujourd'hui, alhamdoulillah, tu vas à la Mecque, tout le monde prie derrière un seul imam, peu importe son madhhab. Hein, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il est musulman, il est sur la sunna, on prie derrière lui. Donc, il y a ça. Ensuite, le cheikh, il dit, ouais, qu'il y a quelqu'un qui lui a mentionné, parce que des fois, comme il dit, l'exemple qu'il veut mentionner ici, c'est l'exemple justement de l'Arabie Saoudite qui est établie sur le Coran et la Sunna et qui a fait revivre la Sunna et qui a fait mourir les bid'a dans cette région du monde. Il dit que ça c'est parce qu'ils ont voulu agir selon ce que Allah a dit dans le verset, dans Sourate Al-Hajj, le verset 41. dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux que lorsqu'on les a établis sur la terre, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Donc ils ont voulu mettre ce verset-là en application quand ils ont pris le pouvoir. Et donc on voit que parmi les ulamas qui sont dans cette région du monde, par exemple en Arabie Saoudite, ils ont compris qu'il ne faut pas rester fanatique, il ne faut pas rester fanatiquement accroché à un madhhab parmi les madhhab. Donc tu vas voir par exemple que les ulama en Arabie Saoudite, en grande partie, c'est des Hanabila. Ils sont du madhhab al-Hanbali, sauf qu'ils ne sont pas attachés fanatiquement ou aveuglément à un madhhab en particulier. Et que lorsqu'il est question de parler d'un sujet par rapport au fiqh, et que l'imam Ahmed a une position, ils ne vont pas nécessairement être d'accord avec cette position-là parce qu'ils sont Hanabila, non. Peut-être qu'ils vont être plus en accord avec la position de l'imam Abu Hanifa, hein? Ou bien parfois ils vont dire al-qawl al-rajih wa qawl al-imam Malik fi hadhihi al-mas'ala. Hein? Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas se limiter à dire uniquement qu'est-ce qui est vrai, c'est qu'est-ce qui est dans notre madhhab et les autres madhhab sont faux. Non. Ils vont prendre la vérité d'où elle vient, que ce soit de tel ou de tel imam, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que ce soit supporté par le dalil, par la preuve. Et on considère donc que tous ces imams-là sont nos imams. Et même la façon dont le fiqh est enseigné dans les universités en Arabie Saoudite, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-fiqh al-muqaran. Al-fiqh al-muqaran, ça veut dire que c'est un fiqh de comparaison, comparer. C'est-à-dire qu'on va prendre les différentes questions qui ont rapport au fiqh et ramener les différentes positions des ulama et des madahib et mentionner le dalil de chacun et faire le tarjih. Faire le tarjih de ces différentes positions-là selon le dalil. D'accord? Donc c'est ça. C'est comme par exemple... on va, au lieu d'analyser uniquement un seul madhhab et qu'est-ce qu'il enseigne, on va prendre la position des différents madhhab avec mentionner qu'est-ce qu'ils ont ramené comme argument, puis trancher par la suite pour juger qu'est-ce qui est plus proche du dalil. Donc, ça, c'est la façon dont le fiqh il est enseigné, par exemple, dans la faculté de Sharia en Arabie Saoudite. Et ça, c'est une façon qui est inspiré justement de cette méthodologie de ramener les divergences au Coran et à la Sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala le demande dans le Coran. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et au messager. Après le Cheikh, il dit وَأَمَّا أَهْلُ نَجْدٍ. Donc il dit, ça c'est la voix des ulama là-bas, sauf qu'il y a des gens parfois qui sont venus de l'extérieur, qui viennent de différents pays et qui sont des ulamas de ces pays-là. Et une fois qu'ils arrivent en Arabie Saoudite, étant donné qu'ils n'ont pas encore adopté ou compris la méthodologie sur cette question-là, eh bien, ça se peut que certains d'entre eux sont restés encore fanatiques ou accrochés à leur madhab. Et yani, ils n'ont pas encore absorbé, disons, la bonne aqida et le bon manhaj sur ces questions-là. Et il donne l'exemple d'un jeune justement dont le père justement était venu de l'extérieur et il avait cette pensée-là et que son père lui disait si t'es pas de notre madhab, alors tu n'as pas une foi complète. Donc c'est un exemple de fanatisme, yani, de la part de certains de cette façon, mais Allah al-musta'an, yani. Le cheikh il dit wa amma ahlu najdin. فكان كثير منهم قبل دعوة المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب على بدع وإحداث لكن بفضل الله ثم بدعوة الإمام المجدد صاروا على عقيدة الكتاب والسنة وعليها تربوا فنشروا لما مكنهم الله من ناصية الجزيرة العقيدة السلفية في ربوعها وكهوفها ومغاراتها ومدخلاتها من غير تعصب لمذهب مع احترام المذاهب الأخرى والاستفادة منها. Donc il dit qu'au début les savants dans le Najd, beaucoup d'entre eux avant la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils étaient sur des innovations et sur toutes sortes de choses inventées, mais par la grâce d'Allah, puis ensuite par la par la da'wa du Mujaddid, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien, ils ont accepté la aqida du Coran et de la Sunna. Et ils ont été éduqués sur ça. Et ils l'ont propagé par la suite. Et Allah leur a donné le pouvoir sur la terre. Et ils ont donc pu propager la aqida salafia partout dans les régions de la péninsule arabe par la suite. Et par conséquent, ils ne se sont pas, et à la fin, ils ne se sont pas accrochés fanatiquement à un madhhab en particulier, tout en respectant les différents madhahib, des autres madhahib aussi, et en profitant de ces madhahib aussi. Donc ça ne veut pas dire, par exemple, que si, par exemple, moi je suis Hanbali, que je ne vais pas profiter du madhhab al-Shafi'i, ou que je ne vais pas profiter du madhhab al-Maliki, ou que je ne vais pas profiter du madhhab al-Hanafi aussi. Parce que dans ces madhahib-là, il y a aussi de la vérité, il y a aussi du bien. C'est pas la vérité, elle n'est pas limitée à un madhhab en particulier. Il y a, dans tous les madhahib, il y a des choses qui sont bonnes, et il y a des choses qui sont vraies. Et il y a également des erreurs et des choses incorrectes. Donc, tu ne peux pas rester un fanatique ou t'accrocher juste à un seul madhhab, puisque ça, c'est incorrect, c'est incorrect de penser comme ça. Et le cheikh, il dit ensuite, « وَيَقُولُ الْمَلِكُ السَّلَفِي الرَّاشِدْ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَيْصَلِ رَحِمَهُ اللَّهِ مُخَاطِبًا عامة الناس والحجاج يسموننا بالوهابيين يسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح ونحن نحترم الأئمة الأربعة ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة كلهم محترمون في نظرنا إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد. Ça c'est la parole du roi Abdul Aziz lorsqu'il s'est adressé aux gens et aux Hujjaj à la Mecque. Il a dit dans son discours qui est très célèbre, il dit, il nous appelle des Wahhabiyas. Comme aujourd'hui ils disent les Wahhabites, le royaume Wahhabite, ou l'Arabie Saoudite, le royaume Wahhabite. Ils disent, ils nous appellent des Wahhabites, mais ils appellent notre madhhab, le madhhab al-Wahhabi. Ils disent, on est des Wahhabites. Et ils considèrent que c'est un nouveau madhhab. Il y en a certains qui disent, ah, eux, ils ont fait un cinquième madhhab. Ils ont voulu faire un cinquième madhhab. Il dit, et ça c'est une erreur, une erreur vraiment lamentable et grave. Il dit, ça vient en réalité des fausses propagandes qui ont été propagées de la part de ceux qui ont des intérêts et qui veulent critiquer l'Arabie Saoudite justement parce qu'ils sont contre la Sunna et contre la aqida salafia. Donc il dit, nous ne sommes pas un nouveau madhab et notre aqida c'est pas une aqida qui est nouvelle. Qui a été inventé par Mohammed ibn Abdul Wahhab. Non. C'est pour ça que le fait de l'appeler Wahhabi, c'est une insulte en réalité. Eux, ils utilisent cette façon-là pour dire « Ah, ça, c'est lui qui l'a inventé. Donc, on va l'appeler la Wahhabi parce que c'est comme si c'était une nouvelle secte qui n'existait pas auparavant et donc une nouvelle aqida, un nouveau madhab, le madhab al-Wahhabi. » Et ça, c'est une fausse insulte et une accusation non fondée, qui n'est pas supportée par aucune preuve. Parce qu'il dit, notre aqida, c'est la aqida des salaf salih. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'a rien ramené de nouveau. En fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il est né en 1715, je pense, et il est mort en 1800. 1703. OK. Et il est mort en 1800 et quelques. Donc, il est né, à l'époque où il est né, il n'y avait pas encore un pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Mais il était de cette région-là, du Najd, qu'on appelle le Najd. Non. il fait partie des ulama du Najd, de cette région. Et il a par la suite étudié à Mecca, il a étudié à Médine avec les ulama. Il est allé aussi étudier en Irak avec les ulama qui étaient en Irak. Et quand il est parti aussi, il était parti pour aller étudier en Syrie, mais en chemin, il a eu des empêchements. Donc, il est revenu dans le Najd. Il a continué ses études et il a commencé par la suite à faire sa da'wa. Hein? Et il a essayé de réformer la société en commençant par l'enseignement du tawhid et en enseignant aussi la sunna, de revenir à la sunna et de rejeter le shirk et les bid'ah. C'est ça qu'il a fait. Donc, il n'a rien amené de nouveau. Hein? Et il dit notre aqida, donc le roi Abdelaziz, il dit notre aqida, c'est la aqida des salafus salih. En fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est un savant parmi les savants de la sunna. Hein? Comme l'imam Ahmad, comme l'imam Ibn Taymiyyah, comme l'imam, comme les autres imams, parmi les imams de Ahl sunna. Et il dit donc notre aqida, c'est la aqida des salafus salih, des pieux prédécesseurs. Et l'aqida des salafus salih, c'est quoi? C'est l'aqida des sahaba, des tabi'in et des tabi'in tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et cette aqida, elle vient de quoi? Elle vient de où? Elle vient du Coran. Elle vient de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et elle fait partie de ce que les pieux prédécesseurs ont suivi. Hein? Il dit ensuite, et nous respectons les quatre imams des madahib. Et nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous ne faisons aucune distinction entre Malik et Ash-Shafi'i et Ahmad et Abu Hanifa. Ils sont tous respectés. Hein? Ils sont tous respectables pour nous. Et il dit, et certes, les musulmans sont dans le bien tant qu'ils resteront accrochés au Coran et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne pourront pas obtenir le bonheur de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà, excepté par la parole du Tawhid. Donc ça, c'est un discours du roi Abdelaziz, rahimahullah, à Mecca. Et ce discours-là, il a eu lieu le 11 mai 1929. Hein? 1929. Et dans le calendrier musulman, c'est dans le mois de Dhul-Hijjah de 1347. Et ça, ça a été tiré d'un livre que le cheikh a mentionné, qui est écrit par Muhyiddin Al-Qabisi. Donc ça, c'est la première citation. Une autre parole aussi du roi Abdelaziz, Al-Saoud rahimahullah, il dit qala rahimahullah ana mubashir ad'u li din al-islam wa nashruhu wa nashrihi bayn al-aqwam ana da'iyatun li'aqidati as-salaf as-salih wa 'aqidatu as-salaf as-salih hiya at-tamassuk bi kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam وما جاء عن الخلفاء الراشدين. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans une autre citation qui est tirée du journal de Umm al-Qura du mois de Dhul-Hijjah de l'an 1351. Il dit, je suis un prêcheur, j'appelle à la religion de l'islam et je propage l'islam entre les peuples ou parmi les peuples. Et j'invite les gens à la aqida des salaf al-salih. La aqida des salaf al-salih qui consiste à s'accrocher au Coran et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été rapporté de la part des khulafa rachidin. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il a dit ici. Puis dans une autre occasion, il a dit, dans une khutba qu'il a fait à Mecca, il dit ana bidhimmatikum wa antum bidhimmati inna ad-din an-nasiha ana minkum wa antum minni hadhihi aqidatuna fil kutubi bayna aydikum fa in kana fiha ma yukhalifu kitab Allah تعالى فردونا عنه فردونا عنه واسألونا عما يشكل عليكم فيها والحكم بيننا كتاب الله وما جاء في كتب الحديث والسنة. Imaginez, subhanallah, un roi qui parle comme ça. Les gens aujourd'hui, on n'imagine pas ça. Parce que c'est rare que les dirigeants à notre époque, ils se prononcent publiquement sur des questions de religion. Hein? Aujourd'hui, c'est rare comme ça. Sauf que... Hein? Oui, non, c'est ça. C'est purement question administration, gestion, des trucs comme ça. Mais le roi Abdelaziz, lui, il parlait de religion et il connaissait sa religion aussi. Parce qu'il a appris avec les ulama. Donc, il disait ce qu'il croyait, en fait. Et il dit, par exemple, « Ana bidhimmatikum wa antum bidhimmati ». C'est-à-dire, vous êtes sous ma responsabilité et je suis sous votre responsabilité. Et la religion, c'est le bon conseil. Donc, je suis de vous et vous êtes de moi. Et cette aqida, qui est notre aqida, elle est tirée des livres que vous voyez devant vous. Hein? Et donc, il dit, si vous voyez dans ces livres-là ce qui contredit le livre d'Allah, eh bien, réfutez-nous dans ça. Et il dit, et demandez-nous au sujet des choses qui vous causent des problèmes dans ces livres-là. Donc, les livres, par exemple, des ulama, de la sunna, et les livres des salaf. Hein? Il dit, si vous voyez quelque chose dedans qui vous cause des problèmes, demandez-nous des questions à ce sujet-là. Et le juge entre nous sera le livre d'Allah. Et ce qui est rapporté dans les livres de la Sunna et du Hadith. Non, ça c'est le père des derniers rois qui étaient au pouvoir actuellement. Oui, il y a eu trois États. La première qui a chuté, qui a été combattue par les Turcs. Puis la deuxième aussi qui a été établie, puis qui a été aussi combattue encore une fois par les Turcs. Puis la troisième, c'était celle du roi Abdelaziz, qui est le fondateur de la troisième État. C'est ça. C'est lui qui a fait ce discours-là. Et lui, c'est le père du roi... ouais, de tous les rois qui sont au pouvoir jusqu'à maintenant. Tous ceux-là sont ses fils jusqu'à date. C'est toujours la même génération, si on veut. Oui, je pense qu'après lui, il n'y aura plus un des fils de... Oui, ça va passer à une autre génération maintenant. Mais c'est pour dire que le roi, le premier après, celui qui était après le roi Abdelaziz, c'était Saoud, je pense. Après, il y a eu Khalid. Après, il y a eu Faisal. Et après, il y a eu Fahd. Fahd, il est resté longtemps. Et après, il y a eu Abdullah. Et après, là, maintenant, c'est Salman. Tous ceux-là sont des fils parmi les fils du roi Abdelaziz. Et Abdelaziz, rahimahullah, il a eu, je pense, plus qu'une quarantaine d'enfants. 40 ou cinquantaine d'enfants. Donc, c'est pour ça que... disons qu'il a eu beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Oui. Et... donc, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de bénédictions. J'ai lu sa biographie et il a fait des choses étonnantes. Même à 14 ans. Je pense qu'il a commencé à 14 ans. Oui, avec rien. Et comment il a repris le pouvoir? Parce que quand il a grandi, là, c'était plus sa famille qui était au pouvoir. Et ils étaient en fuite. Et puis, il est revenu avec un petit groupe. Il a repris le Riyad. Puis, il a établi l'État comme ça, avec peu de moyens. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le tawfiq, yani. À la kulli hal, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et puis, quand il voit la sincérité, il donne la victoire et le succès. Naam. Donc, le cheikh, il dit ensuite... والدليل على عمل الدولة المباركة وعلمائها بالكتاب والسنة وعدم التعصب المذهبي أنهم قرروا في جامعتهم مادة الفقه المقارن وكتب بداية المجتهد لابن رشد المالكي نعم وتفسير ابن كثير وهو الشافعي والعقيدة الطحوية والطحاوي حنفي، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. Donc il dit la preuve que cet état ou ce pays béni et ces ulama sont sur le Coran et la Sunna et qu'ils ne veulent pas s'attacher fanatiquement à un madhab, c'est le fait qu'ils ont établi leurs universités sur la matière qu'on appelle al-fiqh al-muqaran. Comme je disais tout à l'heure, le fiqh par comparaison. Et ils enseignent un livre qui s'appelle Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. C'est un livre de Ibn Rushd al-Maliki. Et ce livre-là, c'est un livre très très très bénéfique dans lequel l'imam Ibn Rushd, qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne chaque sujet dans le fiqh, Kitab al-Tahara, Kitab al-Salat, Kitab al-Zakat, Kitab al-Siyam, Kitab al-Hajj, Kitab al-Buyur, tous les différents sujets de fiqh. Mais dans chaque bab, il ramène les divergences et les choses sur lesquelles les ulama sont d'accord. Ils mentionnent, ils sont d'accord sur ça, ils ont divergé sur ça. Il mentionne la cause de la divergence et il mentionne les preuves de chacun dans cette divergence-là. Puis il mentionne par la suite qu'est-ce qu'il considère comme rajih. Mais c'est un livre vraiment, vraiment bénéfique. Bidayatul Mujtahid, un livre très bénéfique sur les divergences. Et l'auteur de ce livre, il est maliki. Mais ça n'a pas empêché de le prendre comme référence dans l'enseignement de cette matière. L'Ibn Rushd. Ibn Rushd al-Maliki. C'est un des livres que j'aime beaucoup. Je l'ai à la maison. Je m'y réfère souvent. Dans des questions de divergence, je me réfère souvent à ce livre-là. Tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir, qui est un savant shafi'i. Naam. Il a des livres de fiqh aussi qu'il a écrits, qui sont des livres de fiqh, c'est le fiqh al-Shafi'i. Wal-Aqidat al-Tahawiyya, l'imam al-Tahawi, c'est un imam qui est de madhhab Hanafi à la base. Et l'Aqidat al-Tahawiyya, c'est un livre d'Aqida qui est très connu, qui explique ou clarifie l'Aqida d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Mais l'auteur, il est Hanafi. Et le charh de ce livre, qui est le charh de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, c'est un des meilleurs charh sur ce livre. Et il dit ensuite wa kutub ulama al mamlakati wa a'immat al da'wati hafizallahu ahyahum wa rahimahum wa rahima man tawaffahum wa rafa'a darajatahum 'indahu maqru'atun bi aswatihim masmu'atun fi hafizat as-sawt وفيها دعوة إلى الكتاب والسنة والعقيدة السلفية الخالصة. Donc parmi les ulama de l'Arabie Saoudite ainsi que les imams de la da'wa, que Allah préserve ceux d'entre eux qui sont vivants et qu'il fasse miséricorde à ceux d'entre eux qui sont morts et qu'il élève le degré de ces gens-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc que leurs cours et leurs livres et leurs enseignements sont disponible et on voit dedans qu'ils appellent au Coran et à la Sunna et à l'Aqida Salafia pure. Hein? Et il y a des exemples de ça dans leurs livres qui sont disponibles. Il dit وَأَنَّهُ لَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْبِلَادِ أَنَّ حُكَّامَهَا وَالْمَسْؤُولِينَ فِيهَا تَرَبَّوا عَلَى دِينِ اللَّهِ الْخَالِصِ وَكَمْ يَزِيدُ الْفَرَحُ وَالْاِسْتِبْشَارِ حينما نسمع منهم يصرحون نحن على الكتاب والسنة اللهم أعنا وأيدهم بتأييدك الخاص بهم لذا طهر الله هذه البلاد المقدسة من الجماعات والأحزاب المختلفة المتخالفة وإنما ترفع العصبيات والتحزبات المختلفة عقيرتها وتبدي أنيابها على الأخرى في بلاد لا تحكم بشرع الله أو في بلاد الكفر المحض التي يسكن فيها المسلمون فهناك حرية التحزب والتعصب البغيض للعقائد الباطلة والآراء المنحرفة والمناهج المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le cheikh que par la grâce d'Allah, donc ce pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, يعني Allah a fait sa grâce sur ce pays et sur ses dirigeants et ses responsables qui ont été éduqués et élevés sur la pure religion d'Allah. Et donc, comme il est plaisant et heureux d'entendre de la part de ces dirigeants-là qui disent « Nous sommes sur le Coran et sur la Sunna ». Donc, ils invoquent Allah pour que Allah les supporte et les aide. Hein? Et il dit « Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a purifié ce pays qui est saint et béni de toutes les différentes sectes et des différents groupes divergents qui élèvent leurs différents fanatismes et leur partisanisme, leur partisanerie divergente dans les différents pays dans lesquels ils ne jugent pas selon la religion d'Allah ou dans les pays de kufr dans lesquels vivent les musulmans parfois. Hein, on voit dans ces pays-là la liberté de parti, la liberté d'avoir des groupes, la liberté de faire des sectes, la liberté d'avoir toutes sortes de fausses croyances et la liberté d'avoir des voies d'égarement et de déviation et des méthodologies qui sont en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du messager. Donc les groupes de bid'a, ils aiment vivre chez les koufars et s'installer chez les koufars parce qu'ils peuvent avoir toute la liberté qu'ils veulent pour faire des problèmes et créer des pratiquer leur bid'a en toute liberté. Tandis que dans les pays musulmans, ils ne peuvent pas propager leur bid'a comme ils veulent. Hein? Ils ne peuvent pas critiquer les dirigeants comme ils veulent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez les koufars pour pouvoir avoir la liberté de le faire. Hein? Et les koufars, eux, leur ouvrent les bras. Hein? Ils leur ouvrent les bras très grands pour les accueillir parce qu'ils savent que ces gens-là vont être un moyen pour eux de créer plus de divisions dans les pays musulmans et de créer plus de désordre dans les pays musulmans. Donc, ils les accueillent les bras ouverts et eux, en retour, yani, ils propagent leurs bid'a et leurs égarements ici en toute liberté et ils disent aux kuffars, « Oh, vous êtes mieux ici, dans vos pays, on est mieux que dans nos pays à nous, les pays musulmans. » Vous appelez, même il y en a même aujourd'hui parmi ces égarés-là qui disent aux kuffars, « Vous appliquez mieux l'islam que les pays musulmans. » Ajaban. On entend ça de la part de certains. Et il y en a un autre, comme l'autre jour, là, il y a un de ces prêcheurs d'égarement, Ikhwissen, il dit dans un de ses audios, là, il dit pour eux, l'important, qu'est-ce qui fait qu'un pays est musulman, c'est parce qu'ils font l'appel à la prière. Il dit, ah oui, c'est tout, c'est juste ça qu'il faut. Appelez à la prière, il dit, qu'est-ce que vous faites de la justice sociale, qu'est-ce que vous faites de ci, qu'est-ce que vous faites de ça et tout. Donc il donne plein d'autres exemples. Et pour lui, la France, c'est un pays qui est plus musulman, qui applique plus l'islam que les pays musulmans. Donc si quelqu'un, son cerveau, il est monté à l'envers, et son cœur, il est corrompu, au point où il ne voit pas la différence entre l'islam et le kufr, entre le bien et le mal, entre la sunna et la bid'a, entre les pays de kufr et les pays de l'islam, il distingue même pas entre ça, et il se base uniquement sur des questions de la dunya, des affaires de matériel, comme les khawarij à l'époque, quand Dhul Khuwaysira il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Mohammed, i'dil, fa innaka lam ta'dil. » Même les Khawarij, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont apparus la première fois, ils ont accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être juste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? La même chose, ils accusent les musulmans, les pays musulmans de ne pas être juste. Et on ne dit pas ou on ne prétend pas qu'il n'y a pas d'injustice du tout dans les pays musulmans. Mais si tu regardes l'injustice chez les koufars, eh bien il y en a autant, même plus, beaucoup plus d'injustice chez les koufars. Puisque déjà en partant, l'injustice, c'est-à-dire toute personne qui fait le shirk avec Allah et qui oppose la foi, automatiquement il est dans l'injustice. Parce que inna shirka la dhulmun azim, le shirk c'est la plus grande forme d'injustice. Et le shirk, il est à son plus haut point dans les pays de kufr. Et dans les pays de kufr et de shirk, justement. Donc comment tu peux prétendre ou penser que les pays musulmans sont des pays de kufr et que les pays de kufr sont des pays musulmans? C'est celui qui pense comme ça veut dire sa tête, son cerveau, il est monté à l'envers. Ou bien peut-être qu'il n'a pas de cervelle non plus. Et qu'il ne voit, il voit pas les choses telles qu'elles sont, parce qu'il n'arrive pas à réfléchir. Pourquoi? Parce que ses passions l'ont aveuglé. Hein? Et la même chose avec Bajrafil, et la même chose avec Adnan Ibrahim, et toute la clique de l'autre, là, Ghalib, comment il s'appelle? Tout ça, Ben Sheikh et tous les autres, cette catégorie-là qui vient d'apparaître dernièrement, qui joue le jeu de la France, hein, pour créer l'islam de France, comme ils disent, ils veulent créer ce blasphème, ce mensonge qu'ils appellent l'islam de France. Donc tout ça, yani, c'est calculé. Yani, hein? Allah al-Musta'an. Ouais, ben ça c'est des petits jeunes là qui sont apparus dernièrement qui sont embarqués dans le wagon là. Ils ont mangé des coups durs, alors ils sont revenus dans la voie, hein, parce que au début là ils étaient avec les sourouria, ils étaient un petit peu plus actifs, fanatiques comme tu dis là, Rachid Al-Jai et l'autre là, Youssef. Ah oui. Comment? Ah, Youssef Abou. Non, pas Youssef. En tout cas, j'oublie leur nom. Alaykoum salam. Eh bien, c'est ça. Là, ils sont rentrés dans les rangs. Maintenant, ils disent que des bêtises. Maintenant, ils contredisent le Coran, la Sunna, ouvertement. Et ils disent les paroles que les koufars veulent entendre pour les satisfaire. Ils contredisent clairement les enseignements de l'islam, comme si ce n'était pas grave. Hein? Donc, tout ça, c'est pour qui? Pour qui est-ce qui profite de ça? C'est les koufars. Quand par exemple, dans certains pays, il y a eu des coups d'État dans les pays musulmans, beaucoup d'entre ceux qui sont allés dans les pays musulmans pour faire ces coups d'État-là, c'est des gens qui ont été éduqués dans les pays de kufr. Hein? Que ce soit Bourguiba en Tunisie, hein? Ou que ce soit Al-Khomeini quand il retournait en Iran. Tous ces gens-là, c'est des gens qui étaient, quand tu regardes, ils étaient en Occident, ils ont été éduqués là-bas, ou ils ont vécu là-bas. Et puis après, ils sont retournés dans leur pays faire des révoltes et des coups d'État. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les koufars, ils encouragent ça. Ils aiment ça, ils aident ça. Hein? Puis eux, ils viennent ici par la suite, j'ai entendu même ici à Montréal, des filles musulmanes qui parlent à la télé, puis qui critiquent, par exemple, les pays musulmans, et en particulier l'Arabie Saoudite, en disant « Oh non, ces pays-là, ce n'est pas des pays musulmans parce qu'ils imposent aux femmes de porter le voile. » L'Arabie Saoudite n'est pas un pays musulman parce qu'ils imposent à la femme de porter le voile. Puis elle dit « Non, parce que dans l'islam, c'est la liberté absolue et personne n'a le droit de forcer de le porter ou de ne pas le porter. » Ça, c'est basé sur quoi? Quelle preuve dans le Coran et dans la Sunna? Ça, c'est clairement en contradiction avec ce que Allah il ordonne dans le Coran. Puisque dans l'islam, le musulman, il a la responsabilité, le devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et le dirigeant, en tant que dirigeant, il est comme le berger pour son troupeau. Il a l'obligation d'ordonner à la population de faire le bien et de leur interdire de faire des péchés, de faire le mal. Et le hijab fait partie de ce qui est ordonné par Allah, donc il a l'obligation de l'ordonner, et at-tabarruj, hein, l'exhibitionnisme, le fait de montrer les parures et de montrer notre forme et nos quoi, fait partie des péchés, et le dirigeant, il a le devoir d'interdire ça, d'interdire le tabarruj dans la société. D'accord? Et donc certains, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est comme j'écoutais il y a quelques, peut-être la semaine passée, il y avait un article dans un journal, ils ont mentionné la parole de Jamal Abdel Nasser al-Misri. Hein, Jamal Abdel Nasser, qui était un franc-maçon là, en Égypte, qui avait fait la révolte contre le roi Farouk à son époque. Eh bien, il disait, j'étais avec les Ikhwan, parce que lui, il a été avec les Ikhwan pendant un certain moment donné, il est rentré avec les frères musulmans. Il dit, j'étais avec eux, puis le Mourchid, il est venu me parler, puis il m'a dit, écoute, toi, si tu prends le pouvoir en Égypte, il faut que tu imposes le hijab à toutes les filles égyptiennes en Égypte. Alors, là, il commence à se moquer. Vous savez, l'accent égyptien, des fois, quand ils font des blagues, ça, les gens, ils veulent rire avec ça. Et donc, il rit, là, il fait des blagues avec ça. Et puis, lui, il s'adressait au peuple avec le dialecte égyptien. Donc, il ne parle pas en arabe classique, il parle en égyptien. Et il dit, moi, j'ai dit au Mourchid des Ikhwan, j'ai dit, écoutez, votre propre fille, elle ne porte pas le hijab, elle étudie la médecine à l'université. Alors, si vous n'êtes pas capable de le faire porter à votre fille, comment vous voulez le faire porter à toutes les filles de l'Égypte? Là, toute la foule s'est mise à rire. Et d'un côté, il a raison. Parce que c'est ça la voie des Ikhwan. Ils veulent imposer la religion, mais ils ne veulent pas l'appliquer eux-mêmes. Et ça, c'est une contradiction. Comment tu es le murshid, le chef spirituel de la secte des frères musulmans, et tu veux imposer aux dirigeants d'appliquer l'ordre d'Allah. Ça, c'est pas mal, c'est bien. Mais en même temps, toi-même, tu ne fais pas l'exemple. Hein? Tu ne suis pas l'exemple. Alors, où est-ce qu'il est la logique là-dedans? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça, c'est juste un exemple en passant. Mais on va s'arrêter ici parce que là, c'est l'heure de la salat. Et puis, on continuera la suite, Inch'Allah. Au prochain cours, bi'ibnillah, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.